Ndikomanyanga. Nous sommes jeudi le 17 septembre 2020. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord les principaux titres. Le renouement des relations diplomatiques entre le Burundi et la communauté internationale constitue une brèche d'ouverture pour le développement économique. Analyse de Faustin Dikoumana, expert en économie, vous l'entendrez dans ce journal. Plénière à l'Assemblée nationale, les députés se penchent sur le projet de loi portant révision du Code du travail. Le quartier Muremera, nous sommes au chef-lieu de la province Ngozi, fait face à un manque criant d'eau potable. Il y a 2 semaines, et les habitants de ce quartier demandent une solution d'urgence pour éviter des maladies de mains sales. Et dans la chronique justice transitionnelle de ce jeudi, nous vous parlerons des dispositifs informels de la justice transitionnelle dans certains pays qui ont connu la guerre et les régimes dictatoriaux. Mais tout ça, Mitabouti assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page économie. Le renouement des relations diplomatiques du Burundi avec la communauté internationale constitue une brèche d'ouverture pour le développement économique. Ce sont les propos de Faustin Dikoumana, un expert en économie. Cet expert indique que son appui financier va être d'une grande importance dans les différents domaines du pays pour relever l'économie burundaise. On l'écoute. Normalement, les Nations Unies constituent un cadre diplomatique efficace et c'est une brèche d'ouverture dans le renforcement des relations diplomatiques avec le monde. Et c'est une voie d'ouverture pour d'autres pays du monde. C'est un gamin pour les pays en voie de développement. Les Nations Unies, si je me souviens, au moment de la tenue des conférences de mobilisation des fonds pour soutenir les CCRP, et je me souviens que les Nations Unies mobilisaient beaucoup de fonds pour le Burundi. Il était même le premier bailleur au niveau du financement des projets de développement au Burundi. Imagine que l'appui même des Nations Unies est un appui très intéressant pour des pays pauvres comme le Burundi, des pays qui ne peuvent pas accéder facilement sur le marché financier classique pour mobiliser des fonds. Alors, les agences des Nations Unies, les organes des Nations Unies, en l'occurrence l'OMS, l'UNICEF, l'UNES, PNUD, appuient fortement dans divers domaines intéressants dans la vie des populations pauvres, notamment l'éducation, la santé et le développement en général. Donc, c'est-à-dire que c'est un cadre aussi de mobilisation des fonds de financement pour le soutien au développement pour des pays pauvres dont il est difficile d'accéder au marché financier classique. C'était Faustin Dikoumana, expert en économie. Transformer le corridor central du transport en corridor économique, c'est l'un des piliers du plan stratégique du corridor central. Cela a été dit ce mercredi par le directeur de la logistique dans le corridor central lors d'une réunion avec les intervenants dans le secteur du transport lors de la célébration de la Journée internationale du transport public. Melchior Baran-Handikiriye fait savoir que cette stratégie s'étend sur une période de 10 ans sous le financement général du gouvernement. On l'écoute. Actuellement, le corridor central est en train de mettre en œuvre son plan stratégique de 5 ans, 2020-2025. Dans ce plan stratégique, il y a le pilier de transformer le corridor transport en corridor économique. C'est dire que jusqu'à maintenant, on se focalisait sur l'amélioration des infrastructures ou de logistique à partir du port de destination de Dar es Salaam jusque sur les voies principales qui mènent à Bujumbura, Gitega et à Yermé. Nous avons vu qu'il y a des ports de développement qui sont là où il y a beaucoup de production agricole et production minière qui ne sont pas nécessairement sur les axes routiers. Pour exporter ou pour amener les intrants à ces endroits, on doit les transporter à Bujumbura et puis les retransporter vers ces destinations. Donc il faut que les infrastructures maintenant répondent à la demande de la production. Et comme ça, on peut diminuer les coûts de transport et les coûts de production. Il est vrai, la stratégie sur le secteur des transports, c'est large. Il y a des projets purement nationaux, il y a aussi des projets intégrateurs. Ces projets intégrateurs, c'est les projets pour lesquels l'Agence de facilitation du transport transit, corridor central, coordonne avec les pays membres la mise en œuvre ou la mobilisation des financements et la plaidoirie. Il est vrai, le montant est colossal, mais aussi c'est une stratégie qui s'étend sur 10 ans. Ce qui est de mobilisation des financements, le corridor intervient beaucoup plus pour les projets intégrateurs, parce que pour les projets nationaux, c'est la structure nationale qui s'en occupe. courte prose. Nous poursuivons ce journal avec la page... Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Grogne des habitants du quartier Muremera en ville d'Ongozi suite à la pénurie d'eau qui s'observe depuis 2 semaines. Il parle de 2 poids, 2 mesures car certains hôtels et laves automobiles de ce quartier en disposent à tout moment. Ces habitants craignent des maladies de mains sales sans oublier le coronavirus à cause de son manque d'eau. La régie des eaux explique cette pénurie par l'extension de la ville d'Ongozi aggravée par cette saison estivale. Les détails avec Apollinaire Moudi. Ces habitants de Muremera déplorent le fait qu'ils ont informé l'administration pour plaider en leur faveur auprès de la régie des eaux, mais que la situation ne cesse de se détériorer. Ces derniers temps, disent-ils, l'eau apparaissait dans les robinets la nuit et ils se réveillaient pour puiser, mais depuis une semaine, l'eau a complètement tari, d'où beaucoup de problèmes pour en avoir à la maison. Un bidon de 20 litres leur coûte pour le moment 300 francs, 200 francs pour le taxi vélo qui va chercher cette eau et 100 francs destinés à l'achat de ce bidon de 20 litres. Les habitants d'Ongozi disent ne pas comprendre une telle situation alors que certains hôtels, restaurants et laves automobiles de ce même quartier disposent de l'eau à tout moment. Ces habitants de Muremera demandent aux autorités habilitées de tout faire pour réalimenter ce quartier en ce produit combien vital, sinon, disent-ils, des maladies des mains sales, sans oublier le Covid-19, vont bientôt apparaître chez eux. Les responsables du service eau à la régie des eaux expliquent cela par le fait que la quantité d'eau chute pendant l'été et l'agrandissement de cette ville alors que les sources d'eau ne suivent pas le même rythme. Selon eux, ceux qui reçoivent de l'eau ne sont pas connectés sur le même tuyau mère, mais ils ne proposent pas de solution à ce problème posé par la population. Donc aussi, apprenez Muzagara. Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara. Revenons sur la capitale de Bujumbura pour parler toujours société. Il s'observe des nids de poules à la jonction de l'avenue Bouchonyori et la route allant au lycée Saint-Gabriel dans la zone urbaine d'Ongagara. Certains usagers de la route disent que la circulation est difficile, surtout vers les heures de pointe. Ces derniers ainsi que ceux exerçant leur métier tout près de cette jonction demande de la réhabilitation de cet endroit pour limiter le nombre d'accidents. Les détails avec Ornella Mucho. À la jonction de l'avenue Monseigneur Bouchignori et la route allant au lycée Saint-Gabriel, le constate l'état de délabrement. C'est plus précisément entre les quartiers 4, 6 et 3 et 7 de la zone Ngagara. Certains usagers de la route précisent qu'elle devient de plus en plus impraticable. C'est vraiment difficile de passer à cette jonction. Celui qui veut descendre doit contourner pour éviter de tomber dans son nid de poule et on risque de causer des accidents. On essaie de dévier pour ne pas tomber sur cette partie délabrée, mais malheureusement, il y a deux fois des véhicules devant et derrière nous, ce qui provoque parfois des accidents. Ceux qui exercent leur métier tout près de l'endroit, il faut savoir que cette partie endommagée s'est agrandie du jour au jour. Un jeune homme ajoute aussi que cela cause des accidents. Avant, c'était trop petit, mais plus la circulation augmente, plus il a grandi. Et vers les heures de pointe, il y a de l'embouteillage et la circulation est gênante. La fois passée, il y a eu accident suite à cet état de délabrement. Certains demandent que la jonction de l'avenue Monseigneur Bouchignori et la route allant au lycée Saint-Gabriel soient réhabilitées. Et d'autres suggèrent la multiplication des signaux routiers, précisément l'implantation des feux tricolores. Merci à Ornella Mucho. Le ministère de l'Intérieur, Développement communautaire et de la Sécurité publique communique au public que l'enregistrement des jeunes chômeurs a pris fin ce jeudi à partir de midi. Selon le porte-parole du dit ministère, Pierre Ngourikiye fait savoir que jusque ce mercredi, on avait enregistré 295 071 jeunes chômeurs. L'Assemblée nationale analyse ce jeudi le projet de loi portant Code du travail de juillet 1993. Dominé Banyangibona, ministre de la fonction publique, a expliqué que depuis 1993, des changements ont eu lieu dans le monde du travail, notamment l'organisation du travail, créant des situations de travail non prises en charge par le Code actuel, comme le travail partiel et le développement de la sous-traitance. L'entrée du Burundi dans la communauté de l'Afrique de l'Est crée des obligations et des adaptations nécessaires au libre mouvement des personnes. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Poursuivons ce journal par ce reportage à la source. Certains députés soulèvent des inquiétudes sur, je m'excuse, le revenu mensuel des ménages vivant de l'agriculture est inférieur par rapport à leurs besoins, comme le déplorent certains habitants de la colline Malkiazo, en commune Gasogwe de la province Muyinga. Ils expliquent que l'argent qu'ils gagnent au quotidien les aide à satisfaire les besoins immédiats, dont la ration alimentaire. Quant à Monique Kaibanda, spécialiste en gestion et administration des affaires, le faible revenu des ménages des agriculteurs serait dû à la dégradation du sol cultivable. Monique Kaibanda suggère l'amélioration des techniques agricoles en vue d'accroître la production. Reportage de Vestine Boutouyi dans le cadre du projet Tuyage organisé par Search for Common Ground. Ceux-ci, se plaignant du bas niveau de revenus mensuels, sont certains des habitants vivant de l'agriculture. Rencontrés sur la colline Matiazo de la commune Gasogwe en province de Muyinga, Léonie Kanyonga est l'une d'entre eux. Elle déclare percevoir presque rien mensuellement du fait que l'argent qu'elle gagne par jour couvre seulement la ration alimentaire pour sa famille. Quand je suis en bonne santé, je peux me gagner 20 000 par semaine. Mais puisque je donne nourrir la famille chaque jour, je me retrouve sans. Quant à Elie Ruzoza Kwenda, riverain de la même localité, à l'absence des revenus mensuels, pour se procurer de ce dont on a besoin, on fait recours à la vente des bananes se trouvant dans une propriété, mais mal état de bourgeon. Comme chez les Blancs, il y a des fleurs. Chez nous, ce sont des bananiers qui remplacent ces fleurs. Et si on n'a pas des moyens pour couvrir des besoins, on devra vendre une banane même à l'état de bourgeon, tout en sachant qu'on te donne peu d'argent juste pour acheter un demi-kilo de farine. La coordonnatrice du Centre de développement familial et communautaire à Muyinga, Eugénie Gakobra, fait savoir que malgré l'absence des rapports précisant le revenu mensuel de chaque ménage vivant de l'agriculture, elle a appris, grâce à l'entretien avec la communauté, que le revenu mensuel oscille entre aux environs de 10 000 et 200 000 francs burundais. La spécialiste en gestion et administration des affaires, Monique Kaibanda, explique le faible revenu mensuel des ménages vivant de l'agriculture par la faible production émanant de la dégradation du sol cultivable et le faible coût des produits agricoles. Elle ajoute que ce faible revenu mensuel au sein des ménages vivant de l'agriculture entraîne plusieurs conséquences, dont la mésentente entre les conjoints et l'abandon scolaire chez les enfants. Premièrement, au niveau économique, directement s'installe la pauvreté dans la famille. La scolarisation des enfants ne se fera pas comme normal, même le niveau des soins de santé, même le côté social. Donc, quand il y a des problèmes économiques dans un foyer, il y a directement la mésentente souvent entre couples. Pour que les ménages vivant de l'agriculture aient un revenu mensuel satisfaisant, la spécialiste en gestion et administration des affaires Monique Kaibanda demande à la population d'éviter le gaspillage des biens familiaux et d'améliorer les techniques agricoles et au gouvernement de créer de l'emploi pour accroître la production. Merci à Vestine Boutouyi. Le renforcement de la coopération entre le Burundi et le Kenya à travers les communautés dans lesquelles ils appartiennent est la raison de l'audience de l'ambassadeur du Kenya au cabinet du Premier ministre du Burundi, selon le porte-parole du Premier ministre Hassan Ngendakumana. Kenneth Vitizia, ambassadeur du Kenya au Burundi, annonce que les secteurs de l'agriculture, l'élevage, le commerce et le tourisme seront mis en avant dans cette coopération. Les détails avec Armel Mtore. Cette audience que le Premier ministre burundais a accordée à l'ambassadeur du Kenya au Burundi ce jeudi a été l'occasion de voir comment renforcer la coopération entre ces deux pays dans l'optique du développement, selon le porte-parole du Premier ministre Hassan Ngendakoumane. Son Excellence le Premier ministre vient de donner une audience à son Excellence ambassadeur de la République du Kenya ici au Burundi. Il s'agissait d'une visite de courtoisie au cours de laquelle les deux personnalités se sont parlé à propos des relations de coopération, de partenariat entre les deux pays. De manière globale, c'est une bonne coopération, une bonne relation d'amitié, de convivialité, de partenariat qui existe entre les deux pays. Vous voyez, par exemple, le Kenya et le Burundi coopèrent pleinement dans différentes organisations régionales comme la communauté est-africaine, comme COMESA, comme l'initiative du bassin du Nil, comme la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et puis, les deux personnalités se sont enfin est convenu de faire en sorte que ces relations soient consolidées et soient renforcées. Kenneth Viticia, ambassadeur du Kenya au Burundi, dit que cette coopération va mettre l'accent dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, le commerce, le tourisme et l'éducation. Dans les mois à venir, deux équipes composées d'officiels de ces deux pays vont se réunir au Kenya pour voir et fixer comment mettre en application les accords de coopération signés entre le Burundi et le Kenya. Radio Isanganiro, chronique justice. Certains pays qui ont connu la guerre et les régimes dictatoriaux ont opté pour le dispositif informel de la justice transitionnelle. Jean Bosco Harimana, professeur d'université et titulaire des cours sur la justice transitionnelle, donne l'exemple du Mozambique qui a passé par des pratiques traditionnelles pour chasser ce qui a été appelé de mauvais esprits qui poussaient les citoyens à s'entretuer. Au Burundi, cet expert note que les mécanismes de justice transitionnelle retentissent avec la cour d'Arusha. La chronique justice transitionnelle avec Eleni Bendibigira. Même si les pays comme l'Argentine, Chili et l'Afrique du Sud, comme mentionné dans notre précédente chronique, ont mis en place des mécanismes de justice transitionnelle après la période de guerre et de régimes dictatoriaux, d'autres ont opté pour les dispositifs informels de justice transitionnelle. Le professeur d'université Jean Bosco Harerimana montre que les pays comme Mozambique et l'Irlande du Nord ont passé par d'autres voies. Je parle de Mozambique, de l'Irlande du Nord, le contexte de l'Irlande du Nord. Au Mozambique, les anciens combattants se sont dit, au lieu d'adopter les mécanismes de justice transitionnelle dans le format classique, ils ont plutôt adopté des pratiques traditionnelles ancestrales d'exorcisation de mauvais esprits sous la compréhension que les crimes qui avaient été commis, les abus des droits humains, étaient faute de mauvais esprits. Et donc, une procédure cérémoniale a libéré les gens. Selon ce professeur d'université qui dispense les cours sur la justice transitionnelle, les pays où réussit la justice transitionnelle, les citoyens se rendent compte du changement, s'assurent que ce qui s'est passé ne se reproduira pas et placent la confiance à la justice des institutions existantes ici. Il fait référence à l'Afrique du Sud, même si tout n'est pas rose. On donne souvent l'exemple de l'Afrique du Sud avec l'apartheid. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable. Les problèmes ne manquent pas, mais ils ont confiance dans les institutions et ils savent qu'ils peuvent avoir justice si ils ou elles sont abusés. Au Burundi, les mécanismes de justice traditionnelle ont retenti avec l'accord d'Arusha qui prévoit la commission vérité et réconciliation. Le professeur Jean Bosco Harerimana rappelle les défis qu'a connu le processus de mise en place de cette commission. Il donne l'exemple de divergences entre le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies ainsi que les députés issus de l'opposition à l'époque. Le premier pas vers la justice traditionnelle, ça commence le 24 juillet 2002 quand le gouvernement du Burundi de l'époque, gouvernement de transition, demande aux Nations Unies la création d'une commission d'enquête judiciaire internationale. Le gouvernement, par exemple, proposait l'omission des mécanismes de justice. Il essayait de souligner que la commission de 2014, du 10 décembre, quand la commission a prêté serment, les députés de l'IPRONA, qui faisaient la majorité de l'opposition, ont contesté jusqu'à même à quitter l'hémicycle de Kigobe. Jean Bosco Harerimana trouve qu'il y a encore beaucoup à faire dans la recherche de la vérité et la réconciliation. Selon lui, il s'agit d'une phase embryonnaire, même si les restes humains sont en cours d'exhumation. Il appelle le gouvernement à avoir de bonnes relations avec la population et mettre des moyens financiers à la disposition de la commission Vérité et Réconciliation. À 13h15, voilà, c'est la fin de ce journal. Et merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitabouti pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumananga. Un bon après-midi à toutes et à tous.